Le poème de Vectam. Tous les As et toutes les Asès sont réunis en assemblée. Ces puissantes divinités délibèrent pour savoir d'où vient que Balder a des songes fatigants. Le sommeil de ce dieu était fort pénible, il avait altéré son bonheur. Les géants interrogeaient l'avenir afin de découvrir si c'était un présage annonçant des infortunes. Les devins disaient dans leurs réponses que le fils d'Odin, le plus brave de tous les As, était un lâche. Frigg, Odin et le reste des dieux en prirent de l'inquiétude et s'arrêtèrent à cette résolution d'envoyer vers toute chose pour leur demander la paix et la promesse de ne pas nuire à Balder. Toute la création fit serment de le ménager et Frigg recueillit ses promesses. Le père des prédestinés craint un oubli. Il convoque les As, demande une résolution. On parle beaucoup dans cette assemblée. Odin, le dominateur des peuples, se lève. Il pose la selle sur Sleipner et chevauche ensuite vers Niflheim. Il y rencontre le chien venu de l'abîme. Sa poitrine était sanglante, son gosier avide de meurtre, et sa mâchoire inférieure aboyait contre le père des champs magiques. Il ouvrait une grande gueule et poussait de longs hurlements. Odin avança. Le chemin qui descendait de la terre retentit, et le père des As arriva dans la demeure de Hel. Il se dirigea vers la porte de l'Orient, où était le tombeau de Vola. Odin chanta devant cette tombe l'évocation des morts, regarda le nord et traça des runes. Il demanda une réponse. Vola se leva enfin et chanta ces paroles de la mort. « Quel est parmi les hommes cet homme qui m'est inconnu et répand la tristesse dans mon esprit? J'étais enveloppé de neige, battu par la pluie, moucheté par la rosée. J'étais morte depuis longtemps. On me nomme Vectam et je suis le fils de Valtam. » Parle-moi de l'abîme, et je te parlerai de la terre. Pour qui ces bancs sont-ils parsemés d'anneaux d'or? Pour qui ces lits sont-ils couverts de draps d'or? L'hydromel a été préparé pour Balder. Un bouclier le recouvre, mais les fils des As n'ont pas d'intelligence. J'ai parlé contre mon gré, maintenant il faut me taire. Parle encore, Vola, il est des choses que je veux savoir, et je t'interrogerai jusqu'à ce que tu les aies dites. Quel sera le meurtrier de Balder? Qui ôtera la vie au fils d'Odin? Höder conduira ici son célèbre frère. Il sera le meurtrier de Balder. Il ôtera la vie au fils d'Odin. J'ai parlé contre mon gré. Maintenant, je dois me taire. Parle encore, Vola. Il est des choses que je veux savoir, et je t'interrogerai jusqu'à ce que tu les aies dites. Qui tirera une cruelle vengeance de Höder? Qui portera le meurtrier de Balder sur le bûcher? Dans les salles de l'Ouest, Rinda donnera le jour à un fils, âgé d'une nuit. Il tuera le fils d'Odin. Il ne lavera pas ses mains, ne peignera pas ses cheveux qu'il n'ait porté sur le bûcher le meurtrier de Balder. J'ai parlé contre mon gré. Maintenant, il faut me taire. Parle encore, Vola. Il est des choses que je veux savoir, et je t'interrogerai jusqu'à ce que tu les aies dites. Quelles sont les vierges qui se plaisent dans les larmes et jettent leurs voiles au ciel? Dis-moi encore cette unique chose, tu ne dormiras pas auparavant. Tu n'es point Vectam comme je l'ai cru. Tu es Odin, le chef des peuples. Tu n'es pas Vola, tu n'es pas une savante femme, mais trois fois la mère des Tursars. Retourne chez toi, Odin, et sois généreux. Les hommes ne viendront plus me trouver avant le temps où Lok brisera ses liens, avant le moment de la mort des dieux.